On va parler de la Ligue Midget et Junior Régional. Il y avait une belle nouvelle en fin de semaine, les Castors de Dolbeau qui ont remporté une victoire au tournoi Midget d'Alma. On en parle avec Pierre Guy, mais on va parler avec Robin Bouillane au cours des prochaines journées. Salut Pierre! Bonjour Danny. Pierre, de mémoire, là, les Castors, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas remporté de tournoi. Ce tournoi de budget d'Alma, là, de mémoire, là. Ouais, de mémoire, je pense, je suis pas certain s'ils ont peut-être gagné, c'est peut-être là une quinzaine d'années. Ouais. À part ça, non, ils ont connu une fin de semaine assez exceptionnelle en battant les Marquis en demi-finale, après ça, en battant les Jeux de Londres allemands en finale, dans une salle comble. Donc, c'était pour les Castors, c'était une réussite complète. Puis pour la Ligue JMS, 6 de nos 8 équipes qui étaient dans le tournoi se sont rendues en quart de finale. Ouais. Donc, les 4 corridors, c'était 4 équipes de la région. C'était extraordinaire pour le tournoi Midget cette saison pour la Ligue. Ouais. On est bien fiers de nos équipes. Mais là, ça, je me faisais confirmer. Hein, quand vous les tournois, ça sert beaucoup à se comparer aux autres régions. La Ligue Midget régionale est vraiment forte, hein, parce que des autres régions, les autres joueurs jouent dans un calibre plus élevé, hein? Oui, c'est ça. Parce que nous autres, on n'a pas de 2A. Ouais. Fait qu'automatiquement, notre 2B est fort. Tu sais, on a des équipes. Moi, je suis certain que les Marquis de Jonquière rivaliseraient dans le 2A. Ce ne seraient pas les meneurs, mais ils rivaliseraient. Okay. Et, notre 2B est fort. Quand on va aux provinciaux, Saint-Félicien, les 3 dernières années qui sont allés aux provinciaux, les Marquis avaient perdu en finale là, 3 ans ou 4 ans. Saint-Vision a perdu 3 fois en 2 finales, 2 fois en semi-finale, tout un type des matchs serrés. On est un bon calibre dans la région, c'est pas gênant. Puis est-ce que les Castors, on peut la considérer comme une équipe surprise de ce tournoi-là? Ben, d'après moi, oui, c'est une équipe surprise. Ouais. Les Castors, ils sont dans le milieu du peloton, ils se défendent très bien. Très bien dans la ligue, mais d'après nous autres, moi personnellement, je m'attendais à voir les Marquis puis les Adams en finale. Mmh. Quand on a vu les Castors, ben c'était tout qu'un match le dimanche après-midi là, quand ils ont gagné. Là. Et puis pour eux autres, les garçons, c'était la victoire était dimanche après-midi, c'était d'avoir gagné le tournoi. Ouais. Ils reviennent dimanche soir puis ils battent les Adams d'Allemagne. Devant le partisan, une foule assez bruyante, ça a été extraordinaire pour les Castors. Il méritait des félicitations et un gros bravo pour cette équipe. Oui. Mais c'est pas la même. On voit que c'est pas la même affaire, hein. Dans le midget, puis dans le. Puis pas le midget, mais le tournoi, puis la saison régulière, c'est pas pareil. Les ajustements sont pas pareils, les entraîneurs pensent pas pareil, et ainsi de suite, là. Ah non, c'est pas pareil, c'est sûr. T'sais, un tournoi, c'est un tournoi. Un tournoi, tu peux jouer une game. Un gardien de but peut jouer une game. C'est sûr qu'une série 4 de 7, tu vas parier sur Jonquière. Mais dans le tournoi, c'est une game. Une partie, c'est une partie. Moi, j'ai vu plusieurs tournois où j'ai vu qu'un gardien de but a volé ses meilleurs matchs contre les meilleures équipes. Et ces équipes-là se sont fait sortir. Donc, le tournoi, c'est tôt une surprise. On s'attend toujours d'avoir telle équipe en finale, telle équipe, mais il y en a toujours un qui sort son chapeau puis qui vient briser la joie des autres. OK. Donc, on va surveiller ça de très très près. Puis du côté des. Maintenant, du junior, il y avait 3 équipes qui étaient en tournoi en fin de semaine. Ouais, on avait 4 équipes. Les quatre équipes, okay. Les Marquis et les Éperviers étaient à Charlevoix. Okay. Je sais que les Éperviers ont perdu en demi-finale dimanche matin. Je pense que c'est les seuls qui ont réussi à rouer. Puis, ils ont même pas été capables de descendre dimanche soir après la tempête. Ils sont restés pris à Charlevoix. Du côté de Bellechasse, les Saguenayens étaient en demi-finale. Les Sables de Roberval étaient en demi-finale aussi. Mais eux, les demi-finales ne se sont pas jouées dimanche. Okay. À cause des routes barrées. Fait que, encore là, tu sais, nos 4 équipes ont bien figuré. Donc, c'est un plus pour nous. Puis, c'est pas gênant. On a du gros calibre aussi, Junior 2B. Notre Junior 2B est équivalent pas mal au Junior 2A. Dans le côté du Québec, là, du bout du Québec, il n'y a pas de problème avec ça. Puis là, les matchs ne sont pas faits durant la. Il n'y a pas eu de match durant la finale, c'est pas présenté. Est-ce que ça va être repris? Non, ça ne sera pas repris parce que quand c'est un tournoi, regarde, t'as un autre tournoi qui commence en fin de semaine. En fin de semaine, c'est les Edlons qui sont dans un tournoi. Okay. Je pense à Shawinigan. À toutes les fins de semaine, il y a un tournoi. Un tournoi, tu sais, le hockey mineur, c'est pas pareil comme les adultes. Les adultes, ben, t'arrives en demi-finale, si t'arrêtes ton tournoi, tu vas séparer les bourses. Le hockey mineur, c'est juste un, tu sais, c'est un drapeau, il donne une bannière, puis c'est juste ça, là. C'est peut-être que les gars jouent une partie de moins, peut-être deux, comme Robert Vache-Coutimi, s'il avait gagné dimanche matin, ils se seraient rencontrés en finale. Mm. Mais ça lui fait au moins l'expérience d'aller là. Puis ils se préparent, là, pour le dernier bout de la saison. Nous, il nous reste, quatre fins de semaine avant la fin de saison du junior. Donc, ça vient vite. OK. Ah, c'est sûr que ça va être très, très vite. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine, là, Pierre? Oui, c'est pas mal le tour. On va sortir mardi prochain, parce que les équipes vont être à Ottawa. Il n'y a pas grand match encore en fin de semaine. Je pense qu'il y a juste 6 matchs. Au moins une junior, les Perry jouent deux fois. Ouais. Robert Val, puis Chicoutimi Jonker une fois. Donc, on doit avoir 4 matchs, 3 matchs dans junior et 3 matchs dans le midget. Parce que les équipes, là, c'est après les fêtes, c'est des tournois. Hein. Oh oui, c'est sûr. Ouais. Ben, on s'en reparle très prochainement. Parfait. Voilà, Pierre Gay, qui est le président de la Ligue Midget Régionale et Junior Régional, rappelle que cette chronique est une commandite d'identification sport pour tous vos besoins, que ce soit pour des vêtements sur mesure ou des équipements de voyage. On contacte identificationsport.com.